histoire particulière. Violence physique et violence sociale, tel était le titre du premier épisode du documentaire Continental Air France Goodyear quand la base se rebelle, de Julie et Jean-Philippe Navarre. Ils nous ont raconté comment les salariés de l'usine Continental à Clairoy, dans l'Oise, ont appris la fermeture prochaine du site en 2009, comment très vite la colère s'est installée et comment les salariés se sont unis pour multiplier des actions symboliques et peser absolument dans les négociations. Leur but, mettre tous les salariés coûte que coûte à l'abri de la précarité. Aujourd'hui, le second volet nous fait passer de l'action symbolique à la violence physique, car hélas, ça peut très vite basculer. Les Conti condamnés. 1er septembre 2009. Alors qu'ils espéraient la relaxe. On veut faire fermer la gueule à la classe ouvrière. Xavier Mathieu, salarié de Continental Clairoy. On a été un symbole au niveau des luttes, au niveau de la détermination et au niveau des acquis dans ces mêmes luttes. Et le gouvernement veut montrer à toute cette classe ouvrière qu'ils sont prêts à traîner dans la boue tous ceux qui oseront recommencer. Poursuivi pour destruction de biens en réunion, 6 prévenus sur 7 écopent de 3 à 5 mois de prison avec sursis. Le 21 avril dernier, ces ouvriers avaient participé au saccage de la sous-préfecture de Compiègne. Ils protestaient contre la validation du plan social par la justice, 1120 licenciements avant la fermeture de l'usine. Nous, on est condamnés et les dirigeants de Continental, ils y sont pas, eux, dans les tribunaux. C'est dégueulasse, c'est franchement dégueulasse. Continental, Air France, Goodyear. Quand la base se rebelle. Deuxième partie, la bataille judiciaire. Un documentaire de Julie et Jean-Philippe Navarre. Il y a ce qui est raconté comme ça. Oui, les travailleurs, tout d'un coup, ils pètent les plombs. Ils savent plus ce qu'ils font. Roland Spirko, ex-salarié de l'entreprise Chausson. Qu'on leur envoie les CRS, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les salariés? Qu'ils répondent, qu'ils se taisent, qu'ils résistent? Eh ben, nous, on est pour les ouvriers de Peugeot, quand il y a eu 2 morts en 68, et que les ouvriers n'ont pas reculé, et qu'ils ont fait face en disant, nous, on va pas reculer. Et puis, on se battra jusqu'au bout. En 1994, on était en grève, on bloquait l'usine, on bloquait la production. Pierre Sommet, ex-salarié de Continental Clairoy. La direction de Continental avait recruté des vigiles, sortes de barbouzes, des anciens du GIGN, une bonne trentaine. Et ils nous ont envoyé des casseurs avec des manches de pioche. Il y a des gens qui ont sauté du pont dans l'Oise. On était poursuivis par des mecs avec des manches de pioche. Et ils avaient fait couper tout ce qui était les lignes téléphoniques pour pas qu'on puisse appeler de l'aide, quoi. Didier, il avait crevé les pneus des voitures, ils avaient cassé les pare-brises, ils avaient pété les voitures. Tout était organisé. Et voilà la violence. Pour sortir leur camion, parce qu'on bloquait les chaînes de Mercedes, ils avaient enfermé les gens, ils les gazaient dans les locaux syndicaux. Là, c'était des vrais voyous. Monsieur Cassel avait été condamné, et maintenant, c'est le président de la chambre de commerce de l'Oise. Donc, quand on dit, voilà, vous avez cassé une sous-préfecture, ouais, mais c'est rien, ça. C'était moins grave que ce que l'ensemble des 1113 personnes subissaient. Ils savaient que, ils allaient se retrouver à la rue. Dans un mois. Dans un mois. Plus de salaire, les gosses, leur avenir, la maison, les. Voilà, c'est ça, comment la vraie violence. Les suicides que nous avons eus. Donnez-moi un nombre de suicides de la direction Continental. Je me rappelle pendant un temps, j'étais secrétaire du CE, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, ce qu'on allait faire, c'était des plaques mortuaires. Et après, on nous parle de violence parce qu'on a acheté 2 ordinateurs, ça me fait franchement bien rigoler, quoi. Et je vous assure que ça sera à refaire, on referait la même chose. Parce que la vraie violence, c'est leur violence à eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Le 2 juin 2010, 6 ouvriers de Continental Clairoy ont été condamnés à verser 1 280,53 € de dommages et intérêts pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne, échappant aux peines de prison avec sursis prononcées en première instance. Bienvenue à tous. C'était il y a un peu plus d'un an, des dirigeants d'Air France, la chemise déchirée, évacués en urgence. L'image avait marqué les esprits en France et même au-delà de nos frontières. Eh bien, la justice a donc tranché 3 condamnations et 2 relax. Le détail, Lilia Melconian. 30 novembre 2016. Les mines sont graves. La décision vient de tomber. Si 2 des prévenus sont relaxés, 3 autres militants syndicaux sont condamnés. Jusqu'à 4 mois de prison avec sursis pour certains. Je regrette pas d'avoir participé au 5 octobre, bien sûr, après le geste en question. Voilà, aujourd'hui, ça m'a amené au tribunal, d'être considéré comme un voyou, d'être licencié par le ministère du Travail. Donc forcément, on peut avoir une part de regret. Le 5 octobre 2015, des représentants syndicaux s'en prennent au DRH de l'entreprise. Le Premier ministre s'empare du dossier et appelle la justice à faire preuve d'une grande fermeté. Ces agissements, Manuel Valls, sont l'œuvre de voyous. La violence est inadmissible dans notre société. Elle doit être condamnée et il faudra des sanctions lourdes à l'égard de ceux qui se sont livrés à de tels actes. Il y avait au minimum 2500 salariés. Sur les 18 arrestations qui ont eu lieu, puisque les camarades ont été arrêtés chez eux à 6h du matin, devant femmes et enfants, et mis en garde à vue. Nous étions dans l'intersyndicale 12 organisations syndicales, 18 arrestations, 17 CGT, une force ouvrière. C'est intéressant. Karine Monségu, salariée d'Air France. Emmanuel Valls, qui n'a vraiment pas de leçon de valeur ni d'éthique à donner au peuple, qui se pointe le 6 octobre au matin pour dire que ces gens-là sont des voyous, c'est juste inacceptable. Ça veut dire que les salariés ont été condamnés avant même le processus d'enquête, avant même le processus de jugement. Et il y a une vraie volonté du gouvernement d'en finir avec le syndicalisme de lutte et de classe. Ils veulent faire une espèce de démocratie sociale où on serait un peu potes et on négocierait le poids des chaînes. C'est aussi pour ça que les actes de résistance, après, deviennent compliqués. Parce que le message qu'envoie le patronat et le gouvernement, c'est si vous relevez la tête, si vous vous engagez, tout ça, de toute façon, on vous tape dessus. L'engagement a un coût. Et là, les copains sont les premières victimes, parce qu'il n'y a jamais eu aucune preuve au niveau de l'arrachage des chemises. Et on a passé des procès, parce qu'il y a eu un procès à Bobigny, puis un procès en appel à Paris. On a passé les procès à regarder les vidéos. Ils n'ont pas trouvé qui avait fait. Parce que les gens, ils ont voulu retenir, donc ils sont pris par la chemise. Ils ont voulu retenir les patrons, qu'ils s'en aillent pas. Mais il n'y a aucune preuve que les gens qui ont été licenciés sont les auteurs de tout ça. Le 23 mai 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations de 4 ex-salariés d'Air France à des peines de 3 à 4 mois de prison avec sursis pour violence. 8 autres prévenus ont également vu confirmer leur peine d'amende de 500 euros pour dégradation commise sur la grille du parvis d'Air France. Ces 2900 postes, il n'y a pas eu finalement de... Justement, c'est curieux, hein. Et ils ont diminué de moitié. Mais s'il n'y avait pas eu le 5 octobre, c'était les 2900 suppressions de postes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de frein à leur velléité. 31 janvier 2013. La douche froide pour les salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord. Le géant américain a confirmé ce matin son projet de fermeture du site. Un site menacé depuis plus de 5 ans car l'usine n'est plus compétitive. En 2011, elle affiche une perte de 61 millions d'euros. Contrairement à l'autre site du groupe juste en face où les salariés ont accepté de travailler plus, ici ils ont refusé tout accord de flexibilité. Aujourd'hui, la direction affirme qu'elle n'a pas d'autre choix que de fermer. Alors moi c'est Fyodor Rylov, avocat, une grande partie des salariés de Goodyear et une grande partie des salariés de Continental. Bon, il y a un point commun très important entre la bataille des Goodyear et la bataille des Continental, c'est que les multinationales qui ont décidé de fermer les usines de Clairoy et d'Amiens Nord faisaient, au moment même où la décision de fermeture est prise, des profits records. Les Continentales ont gagné leur procès sur la base des chiffres de la comptabilité consolidée présentés au juge. On a gagné. 30 août 2013. Des cris et des applaudissements pour une victoire au goût de revanche. Le tribunal des prud'hommes invalide le licenciement de 700 ex-salariés de Continental. Ils ne retrouveront pas leur emploi, mais recevront une indemnité de 20 000 à 100 000 euros chacun. On s'en soulage maintenant. On voit quand même qu'on arrive à faire plier des grosses boîtes comme Continental. Puis j'espère que ça fera jurisprudence pour les autres usines, que les gros patrons qui font plein de sous, qu'ils arrêtent de fermer des usines comme ça. Bon, on a gagné le procès sur comme quoi qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse à la fermeture de l'usine. Pierre Sommet. Mais il y avait un autre point qui était le co-employeur. C'est-à-dire que si on aurait gagné sur ce point du co-employeur, ça a changé la donne pour tous les plans sociaux de France. C'est-à-dire qu'une multinationale comme Continental, qui décidait de fermer une usine en France, devait prouver la mauvaise santé du groupe et non de l'usine. Parce que c'est très facile à faire plonger une usine. Vous leur donnez pas les bonnes productions, puis c'est bon, elle plonge, il n'y a pas de souci. Et je trouve que ce qu'a dit l'avocat général résumait bien les choses. Il a dit « je vais rassurer les ouvriers, ils vont garder leur pognon ». Mais il n'est pas question d'aller embêter les multinationales. La décision obtenue par les salariés de Continental est emblématique de la règle selon laquelle ce sont les profits du groupe, les résultats du groupe qui doivent être pris en considération dans l'appréciation du motif de licenciement d'un salarié. Enfin, pardon, on prenait les résultats du groupe. Depuis quelques mois, M. Macron a changé les règles du Code du travail et seuls les chiffres de la société qui licencie, quand bien même elle appartiendrait à un groupe, doivent être pris en considération. Les salariés de Goodyear mènent en ce moment un procès pour aboutir exactement au résultat que les Conti ont déjà gagné. Vous connaissez certainement l'histoire des Goodyear ? Michael Wama, ex-salarié Goodyear. En 2007, la direction nous a fait le chantage odieux, comme ils le font actuellement dans plein d'entreprises, d'accepter un changement d'organisation du temps de travail. Les salariés, après avoir été informés, ont refusé ce changement d'organisation. La direction immédiatement a pris des mesures de rétorsion. Bon nombre d'entre nous, parce qu'ils étaient élus, ont eu énormément de problèmes, d'abord disciplinaires, pour en arriver ensuite avec des problèmes de justice. Jusqu'en 2011-2012, on a réussi à faire échec aux plans sociaux 7 fois pour vice de procédure. Là où on ne s'y attendait pas, c'est quand le candidat Hollande est venu sur notre parking le 31 octobre 2011 nous indiquer que s'il était élu, il nous mènerait deux combats. Le premier, interdire les atteintes aux droits fondamentaux des représentants du personnel qui représentent les salariés de notre pays. Et le deuxième, créer une loi à partir de la jurisprudence pour interdire dans les entreprises et les grands groupes qui font des profits des mesures de licenciement massif. En réalité, depuis, il y a eu la NI, qui est la loi de sécurisation, non pas de l'emploi, mais des plans sociaux, des restructurations et des licenciements. Si la NI avait été signée en 2007, nous n'aurions jamais pu nous battre 7 ans. Les Goodyear ont mené une grande partie de leur bataille. Fyodor Ilov, avocat. Avant que M. Hollande ne fasse adopter une loi, le 14 juin 2013, présentée par M. Sapin au Parlement, afin de déjudiciariser la lutte des Goodyear. C'était quasiment présenté comme ça. Vous avez aujourd'hui, dans le Code du travail, des articles qui, de façon très claire, font que pendant la séquence au cours de laquelle on prépare le plan social, il n'est plus possible de saisir un juge. On est privé de justice. Il faut attendre la mise en œuvre du plan social, l'envoi des lettres de licenciement, pour pouvoir retourner dans un prétoire. Il est clair qu'avec un dispositif pareil, on a mis ces multinationales en sécurité. Elles sont à l'abri. Pour faire reculer un groupe, je ne connais pas une lutte depuis 50 ans. Roland Spirko. Qui a pu convaincre le patron de dire « on garde l'usine ouverte ». Comment vous pouvez prouver à un patron, sauf de rentrer dans son jeu, que garder cette usine, ça lui rapportera plus? Parce que c'est ça le seul argument. Et aller sur ce terrain-là, c'est une trahison. On ne va pas demander au patron de garder l'usine parce qu'on est plus rentable, parce qu'on est prêt à travailler plus, parce qu'on est prêt à baisser les salaires, parce qu'on est prêt à sacrifier une partie de ses copains pour que l'usine reste. Le problème de la lutte, c'est comment, jusqu'où on peut les faire reculer. 6 janvier 2014. Deux dirigeants de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord sont séquestrés sur le site menacé de fermeture du fabricant de pneumatiques par des militants CGT qui exigent que les négociations reprennent. Les deux cadres sont toujours installés au centre de la pièce. Devant eux, bouteilles d'eau, yaourts et téléphones portables sont à disposition. Les deux cadres sont encadrés par une trentaine d'ouvriers encore en bleu de travail. Le directeur de production de l'usine, Michel Dey, que la CGT va retrouver ses esprits. Ça se passe à peu près de la même façon que ce que vous pouvez observer, c'est-à-dire parfois animé, parfois plus calme. mais sans méchanceté. Nous avons respecté les engagements. Nous considérons que tout ce qui a été proposé jusqu'à maintenant est relativement correct par rapport aux attentes des salariés. Mais c'est bien dans ce qu'ils appellent une bataille pour le fric, une bataille pour les indemnités que les ouvriers et le syndicat majoritaire de l'usine sont désormais lancés. Mickaël Wamin, le délégué CGT, s'en fait d'ailleurs l'écho. Les Goodyears n'ont aujourd'hui plus rien à perdre. Mickaël Wamin, ex-salarié Goodyear, au micro de Mediapart, le 4 février 2016, moins de 3 semaines après la condamnation de 8 salariés Goodyear à 2 ans de prison, dont 9 mois ferme, pour séquestration. Et moi j'étais assez surpris parce que le lundi matin, il m'avait donné rendez-vous à 10h, ce directeur, et généralement quand il donne rendez-vous, c'était dans son bureau. Et quand je suis arrivé dans son bureau, sa secrétaire m'a dit « Michel et Bernard sont plus là, ils sont dans la salle Raymond ». Puisque c'est une salle de réunion. Alors et Michel et Bernard, l'un Michel, était directeur Michel, de la Michel production Déhi et Bernard Glesser qui était directeur des ressources humaines. Oui, directeur des ressources humaines, donc qui en fin de compte a une société de sous-traitance qui aide à fermer les entreprises. C'était un CDD chez Goodyear. En gros, voilà, c'est quelqu'un qui en fin de compte, en fin de carrière, avait monté un cabinet pour nettoyer les entreprises. Voilà. Mais ce qui est fait couramment dans les grandes entreprises. Ouais. Quand je suis arrivé dans la salle, il y avait déjà 200 personnes et eux étaient là assis à l'endroit où ils sont restés après. Et donc j'ai posé la question tout naturellement au nom des salariés, puisque j'ai toujours fait comme ça. Quelle est votre réponse? Et là, la réponse a été claire. La CGT n'a pas voulu négocier avec nous. Il est trop tard, vous n'aurez rien de plus. Les chaises ont volé dans tous les sens. Et moi, immédiatement, ma responsabilité de syndicaliste, c'était de dire qu'est-ce que je fais. Et c'est ce que j'ai dit à la juge, au procureur. On avait 2 choix, en fait. On n'avait pas 3, on avait 2. Soit on se barre, et on dit on les laisse faire, tant pis pour eux, on verra bien ce qui se passe. Et on nous met certainement en prison pour non-assistance à personne en danger. Soit on reste, et on essaye de gérer au mieux la situation. Gérer au mieux une situation de 7 ans de souffrance. Qu'est-ce qu'ils voyaient en face de 2 personnes qui étaient à l'objet et à l'origine du malheur qui leur est arrivé, et surtout une fermeture d'usine, le chômage, la précarité, la détresse, etc. Il y avait des gens qui, à tour de rôle, venaient, qui étaient dans des états de colère extrême, avec parfois un peu d'alcool dans le sang, parce qu'on est au bout du bout, et que bon, on se dit, voilà, je vais venir, et ça va mal se... Et nous, notre rôle pendant 30 heures, c'était de les protéger. D'ailleurs, ils le disent, si la CGT n'avait pas été là, on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est fait piéger. Je crois qu'il y a la possibilité de faire la démonstration qu'il n'y avait pas eu de séquestration, même si aujourd'hui une autre décision de justice est intervenue, qui a définitivement considéré que ces événements devaient être qualifiés de séquestration. Il y a beaucoup d'anormalités qui ont entouré cette séquence-là de la lutte des Goodyear. Comme par exemple le fait qu'il y ait des huissiers qui étaient sur place pour observer l'ensemble de ces événements avant même que le premier salarié ayant participé ne se trouve dans l'usine. Que un certain nombre de dirigeants d'une grande société de sécurité ont expliqué comment ils avaient formé des cadres de Goodyear à une séquestration à venir. Et comment un dispositif de surveillance avait été déployé probablement le jour même où ces événements se sont produits. Ils se sont battus pendant des années, les Goodyear, et jamais une séquence comme celle-là n'avait eu lieu. Les gens ne sont pas irresponsables, parce qu'on voudrait mettre la violence du côté des syndicats, et notamment de la CGT. On serait des sales mangeurs de merguez, brûleurs de pneus. Karine Monségu. Enfin bon, les mangeurs de merguez et les brûleurs de pneus, ils ont quand même obtenu les congés payés, la sécurité sociale, que tout le monde est bien content d'avoir. Et en plus, quand il y a débordement, la violence, elle ne vient jamais de nous au départ. C'est une riposte. Et la violence, elle est invisible, la violence patronale. Parce que quand vous licenciez quelqu'un, que vous lui faites perdre son salaire, ses perspectives de survie, parce que la question, c'est ça, la perte d'emploi, c'est souvent la perte de soi. Donc quand les gens se sentent perdus, qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, il n'y a plus d'espoir, hein. Et on est en train de fabriquer une société de plus en plus de ce type, où il faudrait qu'il y ait les inclus et les exclus. Mais il faudrait que les exclus du système, ils la ferment. Moi, je suis magasinier. C'est un métier qui va disparaître à Air France. André Villanueva. Il y a la direction qui aime bien dire que le futur d'Air France, c'est que des techniciens Air France. Quoi, voilà. En contrepartie, on installe la sous-traitance. Malheureusement, les conditions de travail sont très précaires. On le voit très bien, nous, au cargo, avec la société de sous-traitance qui vient prendre la place des magasiniers. Des fois, eux, ils étaient payés le 15, des fois en 2 fois, des fois pas du tout. Il fallait qu'ils réclament leur congé, sans parler des conditions de travail, parce qu'il y a un manque d'effectif. Air France se voile la face. Préfère signer un chèque en blanc. Tout ce qu'on veut, c'est que le boulot y soit fait. On ne peut pas laisser faire ça. Air France, on était surtout au fret, le double de ce qu'on est maintenant. Les bagagistes ne sont plus d'Air France. Et ben maintenant, à l'avenir, ça sera au niveau de la piste. Tous ceux qui sont autour de l'avion, que vous voyez, et ben aussi, ça, leur métier va être sous-traité. Moi, mon métier, c'est technicienne d'escale commerciale. Ce sont les personnes qui s'occupent de vous quand vous allez prendre l'avion pour vous enregistrer, mettre votre bagage sur le tapis pour l'envoyer, vous donner votre carte d'embarquement. Eh bien, nous, on nous remplace par des machines. Les passagers, maintenant, mettent eux-mêmes leur étiquette bagage. Ils s'enregistrent eux-mêmes. Enfin, ils payent leur billet d'avion et en plus, ils font le boulot. Alors, les machines, c'est super bien pour les patrons. C'est jamais enceinte. Ça mange pas à la cantine, ça prend pas de vacances, c'est jamais malade et ça fait pas grève. On n'est pas contre les nouvelles technologies, il faut vivre avec son temps. Mais on l'a dit déjà en 2000 à Spinetta à l'époque, mais passez-nous à la semaine des 20 heures en maintenant nos salaires, puisque les richesses créées, elles continuent d'être créées par les machines. Donc la question, c'est l'argent, il va où? Il est redistribué comment? Moi, je vais vous montrer, ça va faire 23 ans que je suis dans l'entreprise, c'est ma fiche de paye. J'ai 2 175,58 €. Alors, ils nous disent, vous avez des salaires meilleurs que le SMIC. En vrai, ils en ont jamais assez. Vous savez, les capitalistes, ils sont boulimiques du fric. S'ils pouvaient tous nous mettre au SMIC, voire en dessous, ils nous mettraient tous en dessous. Et je rappelle toujours le dernier livre de Bernard Thibault. Il dit qu'il y a 40 millions de personnes dans le monde qui sont en situation d'esclavagisme. En France aussi, on en a ici, des sans-papiers, sur des plateformes aéroportuaires. Des gens payés à 700 € par mois, qui travaillent 170 heures. Donc l'esclavagisme, c'est pas que les patrons au Qatar ou en Arabie Saoudite ou en Inde ou en Afrique sont différents d'ici. Donc la seule chose qui fait la différence, c'est le rapport de force et le lien entre capital et travail. Là où les gens ne luttent pas, ils se font écraser. Et même en luttant, parce que si vous rencontrez Michael Ouamin, la lutte des Goodyear qui a duré pendant 7 ans, ils ont lutté. Et Dieu sait si ça a été dur, puisqu'on a le 19e camarade qui s'est suicidé il y a 3 mois. En France, c'est sans doute la fin d'un conflit qui a duré des années et qui s'est durci ces derniers mois. Un accord a donc été trouvé à l'usine Goodyear d'Amiens-Nord. 22 janvier 2014. La CGT s'engage à cesser l'occupation du site. Elle a obtenu le triplement des indemnités de départ et l'engagement de la direction de renoncer aux poursuites judiciaires après la séquestration récente de 2 dirigeants. C'est la fin d'un bras de fer de 7 ans pour tenter de sauver l'usine d'Amiens-Nord. Mais l'accord d'aujourd'hui n'empêchera pas sa fermeture. Le résultat des courses, c'est qu'on perd quand même notre emploi. Non content d'avoir fermé son usine, non content d'avoir mis plus de 1150 salariés à la porte, le gouvernement aide la société Goodyear à aller plus loin avec la condamnation du 12 janvier, qui est la seule et unique condamnation à des peines de prison ferme pour des syndicalistes depuis l'ère de la 5e République. 4 février 2016, Michael Ouamin au rassemblement pour la relaxe des 8 Goodyear condamnés. Il faut quand même savoir que cette condamnation est une condamnation de l'État et non pas d'un petit procureur. Les plaintes, il n'y en a plus. La criminalisation de l'action syndicale, elle est forte, portée par un gouvernement et certains médias qui le relaient sans cesse. Et c'est ça la réalité. La vraie violence, celle dont on ne parle jamais, c'est quand des courageuses inspectrices du travail sur Amiens décident de faire un article 40 dans le code pénal pour venir dire qu'il y avait des risques de passage à l'acte sur le site de Goodyear. Parce que notre employeur, non seulement il voulait nous virer, mais avant il voulait nous détruire mentalement. On venait dans l'usine, il n'y avait plus de boulot. Mais à la fin du poste, il fallait quand même aller voir un chef d'équipe pour lui signaler qu'on avait bien été présent. Et cette inspectrice du travail, elle est venue sur l'usine. Et au bout de 2 mois, elle s'est bien rendu compte de ce qui se passait. Et ce petit procureur d'Amiens, il n'a pas trouvé mieux que de placer l'article 40 sans suite. Mais on n'avait pas laissé tomber. Nous sommes allés déposer 700 plaintes individuelles pour harcèlement et menaces. 3 jours après, le même procureur écrivait qu'il classait sans suite. Et bien ce même procureur, alors qu'il n'y a plus de plaignants, il vient de nous condamner à 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. Si ça, c'est pas une justice de classe, c'est quoi alors? On est aujourd'hui avec les Goodyear dans la séquence de l'action au prud'homme pour contester le bien fondé des licenciements. Et ça, heureusement, c'est encore possible. Fiodor Ilov, avocat. sait-on jamais. Au train où vont les réformes macroniennes de démolition du code du travail, on a déjà plafonné les indemnités judiciaires. Il y a une chose qui n'a pas encore été remise en cause dans le code du travail, c'est que on ne peut pas licencier quelqu'un économiquement si on n'a pas des difficultés économiques. Vous pouvez pas faire ça. Enfin, vous pouvez pas. Si, évidemment, vous pouvez le faire, puisque des centaines de milliers de salariés subissent ce type de licenciement. Mais si vous le faites en le criant haut et fort, de manière tonitruante, vous allez être condamné. Cette interdiction juridique, on arrivait à l'imposer dans la réalité avant 2013, lorsque les actions que j'évoquais tout à l'heure, avant la fermeture de l'usine, avant les licenciements, étaient encore possibles. Mais ce qui permettait aux juges techniquement de suspendre, c'était principalement articulé autour de l'obligation qu'avait le groupe de donner une information économique précise au comité d'entreprise. La raison fondamentale pour laquelle ils font tout pour planquer l'information importante, c'est parce qu'ils savent qu'en donnant cette information aux représentants du personnel, ils donnent aux salariés une arme, et une arme redoutable. Et donc c'est sur ces principes-là, ces droits-là, que s'articulait la démarche judiciaire permettant, avant 2013, de suspendre les fermetures. Mais ça reste quand même l'une des règles du Code du travail les plus menacées. On dirait que le capitalisme est indépassable et que ce serait normal qu'il y ait des gens qui crèvent ou qu'il y ait des gens qui soient sous-payés ou qu'il y ait des retraités qui gagnent 600 euros par mois de pension de retraite après avoir travaillé pendant 40 ans. Non mais c'est quoi cette société-là? Si on est en France, hein, on leur a coupé la tête à une époque. Non mais ils oublient un peu l'histoire. Non mais il faut leur rappeler. Hein. Et Air France, faut pas pousser le bouchon trop loin, trop longtemps. Quand je dis qu'il faut ajouter dans la boîte à outils, dans le dispositif de résistance, l'action en justice, c'est pas qu'il faut ajouter ce levier à la place des actions dites traditionnelles qui sont autorisées dans la confrontation sociale. C'est-à-dire la grève, la manifestation, la mobilisation, le droit de nuire en empêchant une production de se réaliser et de créer un rapport de force social, économique. Bon, ces voies d'action qui sont celles des travailleurs depuis des siècles peuvent aujourd'hui être renforcées par la saisine du juge. Aujourd'hui, les salariés, s'ils ne saisissent pas le juge, vont inévitablement se trouver dans un prétoire parce que de l'autre côté, on va tenter de judiciariser, de criminaliser, de les attaquer en justice et de se servir de l'autorité judiciaire contre eux. Le 25 janvier 2018, la Cour de cassation a validé définitivement les peines de 2 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de 7 salariés de l'usine Goodyear pour violence en réunion ou séquestration. Un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme est à l'étude. Pour obtenir des résultats, il faut faire feu de tout bois. Et l'action en justice permet de temps en temps d'obtenir des victoires et de crédibiliser la lutte. Pour vous, Pierre Sommet, cette veste ornée d'un autocollant de la marque Continental, elle symbolise quoi ? Elle symbolise déjà 25 ans de ma vie passée à travailler pour ces voyous, leur apporter du pognon, parce que bon, le travail que j'ai fourni, ça leur apportait. Et aussi, les autocollants derrière, c'est mon combat contre cette multinationale. C'est une fierté. Et toute ma vie, je garderai cette veste. Elle m'a suivi dans tous les manifs, partout. Voilà. Merci à Pierre Sommet, Roland Spirko, Karine Monségu, André Villanueva et Fiodor Hilov. Documentation Stéphanie Place, coordination Christine Bernard, attachée d'émission Pascaline Bonnet. Un documentaire de Julie Navarre, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'une lumière loin dans la nuit et de solitude. Mais c'est une autre histoire.